Ciao, ciao. À toi, Frélo. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne juste après Difool, 100% rap français le vendredi soir. Et là, certains d'entre vous sont en train de souffler. Fin des examens. Vous n'êtes plus qu'en attente pour ceux qui vont passer justement des examens. Les vacances, peut-être, dites-nous un petit peu. Envoyez les messages. En tout cas, vous allez veiller tard pour le son de la nocturne 100% rap français. Nocturne qui va s'ouvrir avec une double consacrée à Mac Taylor. On l'a appris dans Planète Rap cette semaine. Mac Taylor vient de signer sur le label de Maître Gims, Monstre Marin, avec un titre inédit, Tous Payent, qu'on va écouter. Et puis après, il y aura un extrait de Banger qui est dans les bacs, le volume 1 et le volume 2. Mac Taylor, sinon du son de Niro, de Corias, de Dissident, Ice Lemsy, du son d'Alonzo, Black Brut aussi au programme, Juicy P. Rimka, nouveau son de Rimka à découvrir dans la nocturne. Du son aussi de DJ Scorp avec Sultan, avec Lafouine, avec Canardo. Bref, soyez calés, dites-nous où vous êtes, dans les bagnoles, en bas de chez vous, à la maison, tranquille. Le son de Skyrock, le son de la nocturne. Coup d'envoi avec Mac Taylor par deux fois. Planète Rap, 100% rap français. Fuck le rap game, El General Chico. Ça vient d'Aubert, yeah. Tout se paye. Allez dire à vos rappeurs qu'aujourd'hui tout se paye. Tout se paye. Allez dire à mes détracteurs qu'aujourd'hui tout se paye. Je marche sur mon cœur et je trouve que c'est mieux comme ça. Pas d'attache, pas moi que de cash. Violent comme un enfant de calage. Les cartes sont chez moi, je prends le temps de dire qu'il va là. C'est la merde, gagnée dans la deux portes. Tout le monde attend jusqu'à la maman. Commence à broyer salam. C'est trop la garde dans ma tête pour vous passer le salam. Autant plus triste que des cadavres sous les sabots de mon cheval. Je suis comme l'apocalypse, y'a plus âme qui vit derrière moi. Tout se paye. Allez dire à vos rappeurs qu'aujourd'hui tout se paye. Allez dire à mes détracteurs qu'aujourd'hui tout se paye. Malade, c'est trop la carte de ma tête pour vous passer le salaire. Malade, c'est trop la carte de ma tête pour vous passer le salaire. Au quartier ça craint, mais je n'aime pas dramatiser. Je n'aime que traumatiser, voilà, et encore pire que la PST. Toujours une envie d'acheter, c'est pire qui vient du continent. Moi j'ai la racaille, ambition, on va la piquer dans tous les bâtiments. Patrouille, traque, quadrue, OD, guetteur en stand. Difficile de faire son genre, surtout si tu n'as pas de gueule. Si tu n'as pas les connexions, tu n'as pas les couilles de faire les choses. Y'a trop de voyous de studio qui s'amusent à faire les shows. Qui s'amusent à désorienter le petit frère du ghetto. Nous on investit, on te plaît, l'Amérique c'est pour les autres. Malade, c'est trop la carte de ma tête pour vous passer le salam. Malade, c'est trop la carte de ma tête pour vous passer le salam. La Planète Rap Nocturne sur Skyrock. Nocturne. Rap game, rap game, rien à foutre de ce milieu de merde. Rap game. Rap game. Si je vous sors les armes, c'est que cette personne a partagé ma peine. Rap game. Si je vous sors les armes, c'est que cette personne a partagé ma peine. Partagez ma peine. Rap game. Si je vous sors les armes, c'est que si personne n'a partagé ma paix. On s'en bat les yeux. On s'en bat les yeux. On s'en bat les yeux. Le général s'en bat les yeux. Hier tu t'es fait yédou, mais la chance s'en bat les yeux. On s'en bat les yeux. Le général s'en bat les yeux. On me dit que le rap en couille. Je dis que j'ai rien à voir à chaque fois. Ce soir je perds mon sang froid. J'ai le cœur qui chauffe comme la tête sous la chapka. L'industrie va me hackan. Mais moi j'ai l'avantage de voyou. On s'en bat les yeux. Le général s'en bat les yeux.

Wesh fiston, t'as ton téléphone qui sonne. Je vais au grec parce que mes saucissons. Rejoins le club cacao, envoie cool COOL au 8 80 20. Et accède aussi à des milliers de sonneries. Cool au 8 80 20. Abonnement 3€ par semaine pour 3 contenus. Un esclave qui survit gagne sa liberté. Pompéi. Pompéi. Plus de 700 000 spectateurs à sa sortie. Le succès inattendu de février dernier. Avec Kit Harington, plus connu sous les traits de Jon Snow dans Game of Thrones. Pompéi. L'histoire de Milo. Un esclave qui rêve de racheter sa liberté dans un monde que la nature va entièrement détruire. Skyrock t'offre le DVD Pompéi et plus d'une GoPro par jour. Qu'est-ce que c'est ? C'est la montagne. Aucune autre radio nationale t'offre autant de DVD et de GoPro. Écoute Skyrock à tout moment, et gagne ton DVD Pompéi plus ta GoPro. Et en ce moment, en achetant le DVD Pompéi, l'appli Skyrock Cashback te reverse du cash direct sur ton compte. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. On fait cette maille, on fait cette maille. Ma gosse, c'est pour ça qu'on bosse. Si tu penses pas pareil, dis-moi pourquoi toi tu bosses. Enfin bon sortir de gun, si tu sais que tu vas pas tirer. Pourquoi vendre de la drogue si c'est pas pour quitter le quartier? Si tu pas mon égo, pas deux, pas deux. On arrive, on les casse en deux, en deux. Ma clique est trop foulée, boulet. On remplit 100-402. Ces négros sont des chats, on va forniquer fort que soumis. Soumis, je suis prêt à tout pour l'y aimer. Vendre la coca, Johnny, Johnny. Alité, everyday. Holité, je me fais sucer à l'idée. J'aurais pas me faire à l'idée de vivre sans faire cette maille, ma gueule. Obligé de bouger pour ma gueule. Drogue, sexe, violence, rap et gueule. Le casse-cou se porte, mon gars, nous c'est avec bon. Comme chez Garant sur le beat. Bois les couilles de Chicago dans le 9-1 de beat. Ça débite, bah ouais, ça débite, t'en suis pas débit. Mon groupe juicy et dash à un beat. Toko, Boma, Bango, Nyon, Sobamba, tapé dans l'équipe. Vas-y, suce mon flow, vas-y, suce mon pop. Vas-y, suce mon équipe, bah ouais, ton l'équipe. On prend ton liquide, lâche des tâches de sperme sur les guides. En arrivant debout dans ta crochette. Ma bite arrive dans ta boîte à caca. Sans toquer si tu fais trop la vierge, putain. Vétéran comme Juicy G, violent comme Juicy P. On sort les jujoux, pas pour jouer, juste pour nous enrichir. Chaîne de vie, je me sens lévio comme une prisonnière de guerre. Si je peux t'enlever la vie, c'est qu'on n'a plus rien à perdre. J'ai l'air coupable, pourtant je comparais libre. Merci maître, j'ai pris la fuite, la broque a demandé du piche. Merci maître, plus papier dans l'iPhone pour éclairer mes nuits. Je vois dans le noir comme la chauve-souris. Je coupe plus vite que la passion d'un spit. On fait cette maille, tous les jours. Chaque euro gagné est un pas vers la sortie du trou. Moi ça fout. De quoi tu me parles? J'ai 15 coups, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Qui kick pas, c'est son du gunshot. J'ai 15 coups, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Qui kick pas, c'est son du gunshot. J'ai 15 coups, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Le fennec dans la brume, le visage grimé, tête brûlée. J'pousse la chansonnette comme Carla Bruni. J'mets masse de chirurgien sur une affaire avec les frères de Grigny. Ça se passe fleuri, j'coupe les barbelés. Fais pas le fou ici, tu vas me faire rigoler. Clic, clic, clic, bang, bang, bim, bim, c'est comme tu veux. Si tu dégaines, frérot, le sors pas pour rien. Tu le, on aime la thune, ouais, la pique fumée. Quand la nourrice est fiable, tout ce que t'as pu faire, petit frère. On l'a déjà fait, mais en premier, mais en plus. Plus nerveux qu'un rookie, défoncé comme Snoopy. Qui s'assa dans le building, bip bip bip, à check ton booty. Quand je mets la frappe, voilà, et puis là, j'ai le goût à rien. Cube-toi de ton huc, fils de pute, mon crew va bien. Bang bang sur l'état, gang bang sur l'état. On vient faire percer le quart, c'est mon gore, inverser les stats. Y'a des secteurs où tu mets pas les pattes, y'a des erreurs que tu commets, c'est dalle. Purple Age, des coups en détail, j'ai pour les méga mecs, tu connais les balles. Ferme là, tu sais que trop parler peut t'aider. T'es wanted, les chasseurs de rimes sont sur ta tête. LMCZ baigné dans le crime depuis l'époque des bacs à ça. Fume de la frappe atomique, dans ma clique y'a pas d'homie. Il me faut un putain de bon coup à la rock en cours. Je veux pas finir comme ce mec, rapporte porte clean en cours. Clic clic pas, une bécane passe, brrr, tape une roue, brrr, brrr. La roue tourne, la vengeance coûte 15 coups, brrr, brrr. On fait cette maille, tous les jours. Chaque euro gagné est un pas vers la sortie du trou. Moi ça fout. De quoi tu me parles? J'ai 15 coups, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Qui kick pas, c'est son du gunshot. J'ai 15 coups, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Qui kick pas, c'est son du gunshot. J'ai 15 coups, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Fais cette maille, ma gosse.

vas-y, tiens. Pose-toi deux minutes, écoute ce que j'ai à dire. Tu me les cases, vas-y, abrège. On a tout le temps, y'a rien qui presse. Mais ta folie m'a pris de vitesse. Je passe le concours d'entrée à la police dans les jours qui viennent. Je m'en suis lassé de cette violence quotidienne. Manque plus que ça, la pire des épreuves à traverser. Un négro dans le poulailler, je croyais voir ça qu'au KFC. Réfléchis bien ta connerie. C'est tout réfléchi. Y'a que les victimes qui vont se réfugier sous le Kevin. Je suis pas une victime et tu le sais, je vais pas te la prendre, hein. Tout part en couille, faire régner l'ordre, j'en suis contre, hein. Ok, soir ce négro, c'est quoi, prends la ta plaque. Mais efface mon numéro avant de me vendre à la BAC. Je te croyais plus intelligent que ça. Toujours aussi puéril qu'à l'époque où on volait d'Exandia. Ça me fait le cœur de voir que tu ne respectes pas mon choix. Ouais, mais c'est comme ça, bonne carrière, bon courage, bonsoir. Attends, bon attends, attends, t'en vas pas comme ça, Zek, t'en vas pas comme ça, putain. J'ai entendu. Mais écoute ce que j'ai à dire, tu penses qu'à ta gueule. Mais non, mais écoute ce que j'ai à dire, ta gueule. Y a deux camps, on peut plus voir ça. Comment ça, y a deux camps? Eh, on est plus compatible, frérot. On est plus compatible. T'as choisi ton putain de camp, j'ai le mien. Je me casse. Bon courage, frérot. Putain, va te faire. Toi, va te faire. J'avais un frère, un vrai, on l'a arraché. La police elle-même vient de me le tarjaquer. J'avais un frère, un vrai, on l'a arraché. La police elle-même vient de me le tarjaquer. On l'a arraché. On l'a tarjaqué. On l'a arraché. Eh, c'est bientôt la rentrée scolaire. C'est pas la street qui paie les fournitures. En plus j'ai un bon fond, tu sais très bien que j'aime pas une nourriture. Le quartier, qu'est-ce qui t'apporte à part des s'ennuis? T'avais les phalanges propres, maintenant tu les as couleur cambouis. Je reprendrai pas le frigo de la mama avec tes trafics, c'est ton problème des tensions. Elle a le cœur qui palpite, donc la perquise à 5h du mat, on va éviter. Le choix est fait, même si c'est vrai que j'ai longuement hésité. J'ai bien de la trentaine, moi. J'en ai ma claque du chômage. Comment veux-tu que la petite soit fière d'un papa patronat? Tu sais, depuis que je suis gosse, je rêve de la police nationale. La rue m'a trop baissé, je refuse d'être sa nymphomane. Et puis merde, tu es un enfant de la patrie. Pour le bien de mon bled, je suis prêt à manger une bastos dans la poitrine. Et puis la France est mon pays, le bleu, blanc, rouge, je le respecte. Ça ne regarde que moi, j'ai pour ambition d'être un de respect, hein. J'avais un frère, on l'a arraché. La police elle-même vient de me tarjaquer. J'avais un frère, on l'a arraché. La police elle-même vient de me tarjaquer. On l'a arraché. On l'a tarjaqué. On l'a arraché. La la la la la la la la la. Black Brut, Zekwe Ramos dans la nocturne 100% rap français. Le morceau s'appelle J'avais un frère sur le projet de Black Brut. Ça a toujours la nocturne, vous êtes là, envoyez un petit message 41759 avec le hashtag la nocturne, ça arrive direct dans le studio. Posé dans une bagnole, en bas de chez vous, à la maison. C'est le son de la nocturne sur Skyrock. Une grosse dédicace à son enfermé à l'écoute aussi. Mike Lucas à découvrir maintenant dans la nocturne. Déterminé normal, donc j'arrive en bol. Faut que le rap français puré, quelle grande blague. Prolique de rimes rechargées, donc je gambade. Nique sa mère le reste. Je fais mon business, business, business, busy, business, business, business, business, busy. Photo, je fais mon business, business, business, business, gamba. Nique le rap français, quel grand blanc. Libère le flow que j'enferme. En attendant qu'on m'interne. Il est vrai qu'un est sa vie c'est dur, mais c'est aussi très facile de la perdre. GG, pépé, dame, jojo sous les déter pour aller pousser. L'argent te passera l'anneau à la cheville si tu cherches trop à l'épouser. Le rap français fait de la peine, hypocrite, tous les coups de main sont relous. Gros, si l'erreur est humaine, c'est dit que je suis plus humain entre nous. Personne ne chume quand les feux que rappliquent. Déterminé pile où t'as coffré ta clique. Le business tourne comme le trône, qu'un suicide peut stopper le trafic. Faut que les valises de prix sortent feuilles, triste comme ne plus portefeuille. C'est mieux d'avoir une dame qui porte tes soucis, qu'une aile qui te porte l'œil. Check, jeune, je me la pète. Déterminé, allumé de la tête. Poteau d'état, nommé de la bête. Chez nous, tous mes dieux par les calmer de la paix. Déterminé, normal, donc j'arrive en bol. Faut que le rap français purée, quelle grande blague. Prolique de rimes rechargées, donc je gambote. Nique sa mère le reste. Poto, j'fais mon business. Business, business, busy, business. Business, business, business, busy. Poto, j'fais mon business. Business, business, business, gambote. Nique le rap français, quelle grande blague. 22, 22, LSM LR gang, 22, 22. Le projet est dans le four, bref, tête, fume marginal 2. LSM LR, t'es mon gars, c'est même quand c'est la haisse, t'es là. Des chiens ont percé, ils ont eu ton chat, tu la respires. Ma vie m'a mis des coups de coude, donc j'ai roulé ma bosse. Le paradoxe, prends brolique, c'est allumé sur un terrain cross. Ton pis, je vais l'envoyer en l'air. Tu veux monter un terrain, prends pas d'employé en l'air. Ici tu peux faire un gros beat, même si t'as la dalle. LSMLR gang en rafale, veux le business, il faut un tal. Marginal 2, réel dinguerie. Top en studio, laisse leur faire leur singerie. Lucasie, déterminé, normal, donc j'arrive en bol. Faut que le rap français puré, quelle grande blague. Brolique de rime rechargée, donc je gambote. Nique sa mère le reste. Poto, j'fais mon business. Business, business, busy, business. Business, business, business, busy. Poto, j'fais mon business. Business, business, business, j'gambote. Nique le rap français, quelle grande blague.